C'est une Java tropicale, une mazurka un peu bancale, une basse avec deux jambes de trop, deux jambes de bois pour le tempo, un bousco et l'air d'autre chose, un musette qui prendra la pose, un air des carpates à cinq pattes, un truc qui les mange quand on gratte. Oui, quand on gratte. Gratte et plus ça les mange, plus ça les mange et plus tu grattes et plus ça les mange et plus tu grattes et plus tu grattes. Un tango glissant vers le swing, un boléro venu de Chine, un cha-cha-cha venu du froid, un foxtrot du fin fond des bois, une bourrée venue des îles qui met dans un état fébrile, un charleston de carnaval qui a mis de l'huile sur ses cymbales. Ça balance, plus ça balance, et plus tu frappes. Plus tu frappes, et plus ça balance, plus ça balance, et plus tu frappes. Et plus tu frappes. Ride it to gym on a gym down, while got your chin on bum bing bong. Ride it to double boom bing bong. Where the gym on it don't bong. While I dip it don't walk. Watch it to gum bum bing bong. While it to gym on that don't bong. It's a gum body to don't bong. Where it to do what it do. What a dip ba bom bom, what a dip ba bom be, what a dip ba bom bom, what a dip ba bom bom. C'est un drôle de petit rock'n'roll qu'aurait jamais connu l'école, un air qu'on n'a pas l'air du tout, mais qui pourrait vous rendre fou. Une biguine matinée de jazz qui vous rendrait complètement naze, une polka un peu latino qui se déhanche sur le saxo. Plus ça se déhanche, plus ça se déhanche et plus tu souffles. Plus tu souffles, plus ça se déhanche, plus ça se déhanche et plus tu souffles. Plus tu grattes et plus ça les mange, plus ça les mange et plus tu grattes. Plus tu grattes et plus ça les mange, plus ça les mange et plus tu grattes. Plus tu frappes et plus ça balance, plus ça balance et plus tu frappes. Plus tu frappes et plus ça balance, plus ça balance et plus tu frappes. Plus tu souffles et plus ça se déhanche, plus ça se déhanche et plus tu souffles, plus ça se déhanche, plus ça se déhanche, plus tu souffles.